d'entrée, je rentre en roulette, casse tes genoux comme Zizou. Balance manchette, pense tes bouches, 9 de sous. C'est pas de ma faute, si mes lyrics te poussent à bout. Normal, ça ne pousse coup, fais poser sous. D'entrée, je rentre en roulette, casse tes genoux comme Zizou. Balance manchette, pense tes bouches, 9 de sous. C'est pas de ma faute, si mes lyrics te poussent à bout. Normal, ça ne pousse coup, fais poser sur ta tente. Flo Kalashnikov, lyrics explosifs comme un cocktail molotov. Tu reconnais la grippe, brise braqueur d'amateur de son sur son. Je te montrer le rap que j'ai dans le corps. J'arrive en mouvement comme du break, comme du smurf, comme du sport en chambre. Avec du mouvement, je fais bouger tous tes membres. Comme une hémorragie, tu restes en mouvement. Comme quand tu bouges pour de l'argent. C'est V2M, la troisième, je t'entends là. Quand on passe là, je veux t'entendre faire la hola. Nous dérouler le tapis rouge comme au Oscar. Dédicace morceau gros à tous mes os. On a cherché l'instru de munitions pour vous mettre une sanction. Eh hey gros, laisse-nous faire notre action. Calibre, kit, calibre sur beat sans faire clinique. Au tienne, balle de main, clic, clic. Ça fait boum boum. C'est la BS, prends le sud, l'enchaîne son, prends le nord. Capuche le champignon après avoir pris tes lagos. Appelle-nous le raid, commando, sous ce morceau gros. Qui était fâché, cagoulé et armé gros. La haine dans mon couplet. A plus mesure pour te mettre au pic et encore un morceau qui va gifler. Y'a des canons sur son, en éruption. Il pleut des obus, des pastos dans des barons. A chaque mesure, y'a un carnage. A chaque couplet, gros, levez les bras, c'est un braquage. Flow brutal, artisanal. Affaire des pastos, gros, dans les corps vocales. Organisation, malfaiteur. Ça pue l'homicide volontaire. 92 Voltaire. C'est Brice, alias Flow, Kalashnikov. Lyrics explosifs. Génération aimée, t'as pas d'amis. Génération armée jusqu'au dos, même dans la cerne. Génération qui frappe par l'âme factice. T'aimes pas les feux d'artifice qui pissent sur la justice. Génération afflite d'Afrique. Génération qui a gros fer pour le fric gros. Génération hey, Sahel, Kiki, Naes et Kiki au micro. Ma génération, on est oligarque en Hollande. Ici c'est pas l'Euro 2000, mais le Bédolande. J'suis juste un délinquant juvénile qui laisse des traces sur vinyle. Chaque jour on brutalise des intrus sur un truc. C'est perte de 48 heures, marcher chez les stupes. Ils passent leur temps à nous harceler, malgré qu'ils sont cramés. Et leur voiture banalisée, ça m'empêche pas de les faire baliser dans l'Elysée. J'frappe sec dans leur intellect, j'ai perturbé mon pute, mon frère s'échoue d'un corps aspect. Le soir, se sous la gueule au champagne demi-sec. Ça se raconte en jarvé, ça nous frappe sec. Malgré ça, sous toujours dans les sales coups. Et j'garde toujours la même devise pour mes frères cousses. La première balle te touche, la deuxième te couche. J'avais l'art de tout niquer depuis ma première couche. Et les bras, c'est un cage bras. C'est du son crâle pour les bras, pas pour les darbas. Ça sort des gaffes de Voltaire Prévert. A chaque esclair, tu te manges des tartes de bonhomme d'Arbe Spencer. Sur ce son, on te fait mal comme Hannibal Lecter. Dans le collimateur, j'ai mes ennemis et les inspecteurs. Avant tout, je me fais plaisir sous ce beat. Vite mon chargeur et je crache mes douilles. Et je te laisse la balistique. On chante avec la mort du risque. Comme d'hab, en fit, écho et la troisième sur piste. Comme d'hab, on dit fort à Yabou Porto au calage. On arrache, ouais. On me ça dans ton kebab. Un son crade, un 12 de plus qui pue la rire. Je démarre avec la lettre M comme Malakoff. A comme Aka et K comme Kalashnikov. T'as connu le timbre de voix. Qui concote un 12 molotov et qui te fera sauter les corps. Les conseillers aux mineurs comme des démineurs. Nous on est venus représenter nos secteurs minés. Découper gentiment pour les frères du ciment. Représenter tous ceux qui sont restés sous le ciment. Ces portes ont mes têtes brûlées. Pour toutes nos familles, pour tous les frères encarcérés. Ces portes ont nos têtes fâchées. Toutes les familles délaissées qui sont tombées sous les...